avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs, à peine éclose, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur. Da da da da.